C'est parti pour cette première émission sur la chaîne Reporters of Hell. Merci Lucie et Simon de faire ça avec moi. On va commencer tout de suite par parler vite fait de nous, ce qu'on aime d'habitude dans le métal, manière de pouvoir le situer aux gens. Donc Lucie, commence à nous dire toi, qu'est-ce que t'aimes comme style musicaux ? Ah, d'entrée de jeu, c'est moi qui commence. Ouais. Alors moi, bah, malheureusement, c'est plutôt centré très metalcore, on va dire, tout ce que t'aimes, Nico. Ça arrive. Bah, après, c'est encore en phase découverte, donc il y a pas mal de trucs par-ci, par-là, je me laisse guider, on va dire, mais ça reste très, très, très, très metalcore, quand même. Cool. Voilà. Et bonsoir à tous. Moi, je suis plus hardcore, deathcore, crampou en tout genre, mais je reste ouvert à toute belle découverte et je me laisse attirer vers des scènes un peu plus dark. Il nous fait croire qu'il est ouvert d'esprit sur ça. Ah, n'empêche, j'arrive à le traîner à peu près sur n'importe quel concert. Hein. Non, c'est pas faux. Il y en a pas mal que j'ai bien aimé quand même. Mmh, bon public. Et toi, mon Nico ? Moi, j'ai plutôt tendance à... Bon, j'aime un peu de tout, mais j'ai tendance à être plutôt réfractaire à ce que Lucie aime. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Voilà. 1-0. Pas. Voilà. Donc, le principe de cette émission qu'on va essayer de tenir sur un rythme de une fois par mois, ça sera de parler un peu des news métal, on va dire, françaises et même internationales du mois qui vient de s'écouler. Donc là, on va parler un peu du mois de mars. Ensuite, on évoquera un peu tout ce qui est... nos découvertes personnelles en termes de musique du mois, et on terminera par parler d'un album et potentiellement aussi d'un groupe. L'idée, c'est aussi de pouvoir accueillir régulièrement des artistes locaux pour qu'ils viennent un peu partager avec nous autour de tout ça. Donc Lucie, tu seras avec moi, on sera les deux pièces qui ne bougeront pas et qui seront là en permanence. Simon, toi, ça sera plus aléatoire, on sait que tu ne seras pas disponible tout le temps. Mais voilà, c'est les grosses lignes. Je sais pas si vous voyez un truc que j'aurais pas dit. Non. Je crois que c'est pas mal. Ouais, parfait. Pour démarrer, ça me paraît bien. Alors écoutez, on peut directement commencer à parler des petites news qu'on a pu voir passer sur ce mois de mars. Donc j'en ai pas retenu beaucoup parce que on a fait deux concerts ce mois-ci dont on va un peu parler et ça va prendre un peu de temps. Donc la première news, j'ai intitulé ça vol entre punk. En fait, c'est l'actu tourne autour du groupe Gel, qui est un groupe de hardcore américain. Donc, typiquement, ce qui, Simon, aurait pu te plaire et ce que tu aurais pu voir. C'est encore un vol de 8-6, ça, c'est sûr. Ouais. Et en fait, on a appris que le guitariste du groupe a volé plusieurs milliers d'euros, enfin de dollars, au groupe et donc à ses collègues. Pour payer son loyer et des abonnements sur des plateformes pour adultes, type OnlyFans. Et il a aussi posté quelques photos des autres membres du groupe nus sur Internet. Ce qui fait que, bien évidemment, les autres membres du groupe ne l'ont pas super bien pris. Et donc le groupe, aujourd'hui, n'est plus, voilà, tout simplement. On a discuté un peu en off. Il me semblait, Simon, que tu étais allé les voir parce qu'ils sont passés au Hellfest l'an dernier, donc en 2024. Mais au final, tu n'étais pas, t'étais non, pas sur le coup. On avait tourné plus vers la Temple, il me semble. Ouais. Du coup, ça fait plaisir, non ? Ouais, bonne truc. Ambiance, dis donc. Ouais. Vous ne voulez pas me donner des sous, moi aussi, je peux faire ça pour... Alors, si tu parles avec notre caisse, autant te dire que tu risques de partir endetté. Ouais, je pense que tu peux commencer le OnlyFans direct. Ouais, c'est ça. Nickel. L'autre grosse news, et celle-là, elle a fait beaucoup, beaucoup de bruit, et c'est surtout en France. En fait, c'est le groupe Céleste. Donc, Céleste, je ne sais pas si ça vous parle ou pas comme groupe. Groupe de post-metal. Qui commence à avoir une jolie petite réputation. Non, tu connais pas. Ils ont pour particularité en fait de jouer dans une salle sans éclairage, avec juste des loupiottes rouges sur le front, ce qui en fait donne un effet visuel dans la salle qui est plutôt sympathique. Okay. Et donc, Céleste a annoncé il y a 15 jours à peu près une tournée en Russie via un post. Donc, le truc, c'est que ça n'a pas été super bien pris par personne. C'est-à-dire que leur tourneur, qui est le tourneur Voulez-vous danser, a carrément s'est désolidarisé du groupe en disant qu'eux n'avaient pas participé à l'organisation de cette tournée. Dans la foulée, le groupe a carrément retiré les dates, donc on ne sait pas si oui ou non ils comptent aller en Russie pour jouer. S'en est suivi aussi pour un festival qui est le Bridge to Hell qui se passe en septembre dans la Drôme. En fait, ils étaient à l'affiche avec Stone Jesus. Stone Jesus, je vous laisse deviner de quelle nationalité ils sont à la base. Non, ukrainien. Voilà. Donc le festival les a déprogrammés immédiatement aussi. Et au global, ça fait en fait beaucoup de bruit parce que y a deux camps. Il y a les personnes qui soutiennent Céleste dans le fait que pourquoi ils n'iraient pas jouer devant leur public russe qui les apprécie, parce que pour les gens, aller jouer en Russie, c'est pas forcément soutenir la guerre en Ukraine. Et après, tu as l'autre penchant qui considère que aller en Russie actuellement, c'est cautionner. Voilà. Je sais pas comment vous voyez les choses. Alors, c'est pas obligatoire d'être d'un avis ou de l'autre. Mais je sais pas, Simon, toi, par exemple. Dans tous les cas, dès que tu commences à aborder le sujet russe, tu prends un risque de clivage de ton public. Après, est-ce que tu es prêt à prendre le risque ou non ? C'était leur choix. Et voilà. Oui, ça, visiblement, ça a été mal vécu. Lucie, tu serais plutôt. Comment, toi ? Oh carrément d'accord avec Simon, hein. C'est sûr que à partir du moment où tu te dis on part en Russie faire la tournée, c'est à double tranchant et tu le sais, donc voilà, parce que t'es prêt à prendre ce risque là et t'es droit dans tes bottes jusqu'au bout, ou à l'inverse, finalement quand tu vois tout ce que tu te prends dessus Clairement, ils ont plus pris cher au final, ne serait-ce que sur leur réputation, que ce que ça va faire plaisir. Le truc, c'est que ton tourneur, au final, il est obligé de se désolidariser, parce que sinon, il fait quoi ? S'il a des groupes ukrainiens, effectivement, il fait quoi ? Il va se retrouver avec tous ces groupes qui vont se barrer. Encore plus si le tourneur n'a même pas participé à élaborer la tournée, donc c'est encore plus logique qu'il ne les assume pas, cette tournée-là. Ouais. Là tu perds tous tes soutiens pour le coup c'est ça. Gros risque. Après voilà, ça veut pas dire qu'ils vont être blacklistés à long terme, mais par contre ils vont certainement devoir trimer et repartir d'un peu plus bas en France. Ouais, ce qui est assez dommage, parce que moi personnellement Céleste c'est un groupe que musicalement j'adore. Après leurs opinions, parce qu'en plus je suis même pas sûr qu'il soit question d'opinion politique là-dedans, parce que c'est pas sûr qu'ils soient allés chercher aussi loin. Ils ont peut-être juste eu une opportunité d'aller tourner auprès d'un public qui savent qui a leur cause, et ils ont peut-être pas cherché assez loin là-dessus. Enfin, après je cherche pas à les défendre, je sais pas ce qu'il en est exactement. Je connais pas les membres du groupe personnellement. En plus totalement. Mais j'avoue que ça serait dommage que ça les fasse rétrograder, enfin tu vois un peu sur et régresser au global dans leur carrière, alors que c'est un groupe qui musicalement en tout cas mérite d'être connu et reconnu par plus de monde. Bon, après la mémoire publique est assez courte, donc il faut qu'il essaie de passer l'orage. Fais gaffe quand même. Le métalleux est quand même le métalleux a quand même la mémoire longue sur certaines choses. Voilà, bon, c'était le cas Céleste, quoi. C'est un peu compliqué, mais je pense qu'on va en apprendre plus aussi dans le mois à venir, voire dans les mois à venir. Et ça, bon, il y a des choses qui vont forcément se débloquer après. On va de suite passer à quelques affiches qui ont été dévoilées dans notre région au niveau festival, là, donc à venir. La première dont on va parler, c'est celle de l'Extreme Fest. Alors, j'ai merdé sur nos supports visuels, on n'a pas l'affiche. Est-ce que vous l'avez un peu en tête ? Parce que moi, je l'ai relu un petit peu, donc ça va. Simon, pas du tout. Peut-être il y avait Bride qui passait, ouais. Qui me plaisait pas mal. Madball. Madball. Mais tu les as déjà vus, Madball, que je t'ai envoyé les voir tout seul là-bas. Hein. Je t'ai dit, va les voir, tu vas pas regretter. Il y a Massisteria. En milieu de matinée en plus. C'est ça. Non, c'était quasiment à tête d'affiche. C'était une sous-tête d'affiche quand tu les as vus, Madball. Ça devait être une des journées où j'avais fait ma journée full Warzone. C'était le dimanche, c'était, ça commençait à être dur là. Mais ouais, j'avais beaucoup aimé. Bah justement, il y a Novelist qui revient, qui vient. C'est fin juillet, pardon. La dernière semaine de juillet. À cheval avec août, toujours, le Leak Synthèse. Là. Alors, Hatebreed, vous avez dit ? Ouais, Hatebreed. Raised Fist. Et Massisteria qu'ils ont réussi. Bane, je viens de le dire, m'écoute pas. Bane, Clowns, Madame. Madame, le Aurora. Groupe féminin toulousain qui... Ouais. Qui est en train de bien monter aussi. Ouais, là. De plus en plus. Bah, ils étaient avec, c'est quoi, Sidney Larsen, non, leur dernier tour. Bah, ils font un Olympia bientôt aussi avec Sidney Larsen, justement. Top. On a dit Aurore, Ordem, Upright, Sex Shop, Mushrooms, ouais. Alma, bon, après, et Void. T'embêtes pas à tous les lire, t'inquiète. Ok, on réfléchit. Non, mais Crystal Lake. Oui, il y a Crystal Lake qui redébarque. Napalm Death, Street, même si... Loco Muerte. Oui, Loco Muerte, c'est des Français, c'est à voir. C'est une grosse énergie. Napalm Death, Novelist. Si elle s'arrête de Poésie Zéro. Les... Non. Je suis parti, les gars. Elle veut tout le monde. Ça l'occupe, c'est bien. Non, mais c'était bien, c'est quand même pas mal de petits groupes. C'est une affiche qui est super, qui sur le papier. Pour l'Extreme Fest, une belle affiche. Ouais. Bah moi je suis content parce qu'ils se rouvrent aussi à du métal, ce qu'ils n'avaient plus fait depuis quelques années. Moi le hardcore, pourquoi pas à l'occasion, mais j'en mange pas des quantités énormes. Pas tout donc, un week-end, oui. Voilà, tu vois, c'est ça. Il aimerait bien garder ses dents. Pour avoir perdu un bout à l'Extreme Fest, voilà. 2018, je peux comprendre. Voilà. Voilà. Non, mais globalement, une affiche qui, quand même, toi, pourrait te faire y aller. Ouais, c'est peut-être une petite soirée. Il faut que je regarde les dates, comment ça se goupille. Mais une petite soirée, ça me déplairait pas. Ah, cette année, c'est jeudi, vendredi, samedi. Ce qui fait que, si je dis pas de bêtises, Hatebreed, ça tombe le jeudi. Le vendredi, tu as Madball. Et le samedi, c'est Massisteria. C'est vrai qu'on en avait discuté, on comprenait pas trop ce... La raison, ouais. Bah, en fait, c'est parce qu'ils ont fait un off le mercredi et le dimanche. Qui est gratuit. Donc, forcément, faire un off gratuit le lundi, ça aurait pas fonctionné. Je pense que c'est en grande partie pour ça qu'ils ont fait les journées payantes avec les plus gros noms, du coup, jeudi, vendredi, samedi. Ça peut expliquer. Voilà. Ouais. Mais donc, ouais, plutôt client au global. Oh bah, c'est, oui, toujours. C'est le genre de fest à mon goût, ouais. On va dire. Ouais. Et toi, Lucie, tu irais cette année ou pas? Non. Non, mais t'as le droit aussi. Parce que de manière générale, c'est pas forcément tout ce que j'écoute aussi. Et effectivement, à part Novelist, Crystal Lake, que j'avais un peu écouté. On les avait vus. Moi, je les ai pas vus. Ils étaient au Hellfest. On y était tous. On est arrivés sur la fin, il me semble, nous. Ah, il me semble que vous y étiez, nous, on était sur un autre truc. Après, tu sais qu'on fait deux fois plus de concerts que les filles au Hellfest. C'est vrai. Je me retiendrai de te dire quelque chose. Oui, reste poli. De méchant. Bon, d'enfoiré. ouais, voilà. Après, et voilà, bon, le mois de 18 qu'il y aura des ans pour insulte. Super. Bip. Donc, ouais, non, moi, de manière générale, c'est pas... Il n'y a jamais trop de choses qui m'intéressent sur celui-là. L'année dernière, on avait regardé aussi. Mais c'est pas étonnant. Mmh. Voilà. Ouais, je comprends. Okay. Moi, j'attends toujours un petit retour de Rise of the North Star un de ces jours. Voilà. Ouais, ils finiront par revenir aussi. Mais j'y retrouverai peut-être ma dent. Ils étaient l'année dernière, il me semble. Ah, il me semble qu'ils y étaient l'an dernier. Bon, sauf que l'année dernière, t'as pas pu y aller. Ouais. Ah ouais, j'ai loupé. Tu vois, voilà. Ouais. Non, mais ouais, encore une très belle affiche. Et vu qu'elle est variée cette année, tu vois, elle me fait encore plus envie. En plus, bon, Hatebreed, pour le coup, c'est un de mes groupes préférés de hardcore, donc ça me fait un petit peu envie aussi, vu que je les ai jamais vus. Voilà, mais même, tu vois, l'opportunité de voir Napalm Death, que j'ai pas encore vu et qui est quand même un gros nom qui fonctionne très très bien, pourquoi pas. Enfin, pourquoi pas. Moi, le plus gros souci en fait de ce festival, c'est que vu que ça tombe en plein été, ben en fait, ça tombe souvent sur le moment des vacances en famille, tu vois. Mais j'ai un peu le même problème par exemple avec le Motoc, tu vois, qui tombe aussi au mois d'août. Parce qu'en fait, j'ai du mal à ce que ça soit pour moi une période où je vais en festival. Tu vois, c'est, pour moi, le mois de juin, c'est pratique parce que t'es pas encore sur le moment de l'été. Et voilà. Ouais, tu le préférerais en septembre. Ouais, complètement. Mais tu rigoles, mais je pense qu'en septembre, j'aurais beaucoup plus de facilité à y aller plus régulièrement. Mais bon, après, c'est leur date historique et ils vont continuer. Vas-y, Nico, va négocier. Je pense qu'ils vont la bouger pour toi. Ouais, ouais, ce sera pas mal. Écoute, j'appelle tout de suite le responsable. Voilà. Non, mais c'est... Voilà. Et bon, notre deuxième petite annonce là, locale, c'est le Metal Fest 09, donc avec qui on va être partenaire encore cette année. Hop, on a le verre là, on a le verre, il est tout beau, il est là. donc cette année, trois groupes internationaux dans les deux têtes d'affiche. Donc Persephone qui fait du death progressif qui vient d'Andorre, donc c'est comme d'hab, l'Andorre c'est pas vraiment un pays, voilà. Donc ça et l'autre tête d'affiche c'est The Troops of Doom. The Troops of Doom, ouais, merci. C'est dur à dire. The Troops of Doom. Et eux ils sont brésiliens et le guitariste en fait c'est le premier guitariste de Sepultura. Ok. Donc monsieur qui sait quand même ce qu'il fait avec sa guitare. Voilà. Et le troisième groupe, on va dire étranger, c'est Drakkar qui vient de Belgique. Donc bon, c'est pareil. Effectivement, ça vient de l'étranger, mais c'est encore des voisins, même si ça fait plus loin un kilomètre. Et après, au global, ils sont surtout allés chercher dans la région, en tout cas dans le sud cette année, au niveau des groupes français. Comme d'hab, pas mal de diversité de styles. Vraiment, bah, ça va du black et du death au heavy, je sais pas s'il y a du sympho cette année, un petit doute. Je sais pas du tout. J'avoue, j'ai voilà. Pas posé ma recherche. Ouais. Moi, je vais regarder, je les ai zappés entre temps. Voilà, pour être honnête, je les ai zappés. Non, mais si. Enfin, je pense que ça va encore être une année sympathique où il faudra être. Je sais pas, Simon, toi, si tu as vu un peu l'affiche et si elle t'a emballé ou pas. Pas du tout regardé. Pas du tout regardé. Ouais. Voilà. C'est encore trop loin pour moi. C'est sûr que c'est fin novembre, il y a le temps. Oui. Ah, vraiment, vous avez dû poser la question. Bon, on sait jamais. Moi, au-delà de 4-5 mois, ouais. C'est l'année d'après. Voilà, ouais. Tout résumé. Mmh. Oh, bon. Voilà, et puis de toute façon, cette année encore, en étant partenaire, on va faire l'interview de certainement tous les groupes à un moment ou un autre. Donc, je pense qu'on aura le temps de mieux les connaître. Oh oui, bah voilà. On va changer un peu de section. Ce que je vous propose, c'est de revenir un peu sur ce qui s'est passé pour vous ce mois-ci, à savoir qu'est-ce que vous avez écouté de beau que vous aimeriez partager avec nous, avec les copains. Vas-y, Lucie, commence, vas-y. Oh, mais pourquoi c'est moi qui commence ? Alors moi, j'ai fait dans le pas très original ce mois-ci, j'ai forcément écouté le dernier album d'Architect. Ouais, voilà. À n'avoir cassé les oreilles à tout le monde, je pense. Mais je sais plus si je l'ai écouté. Voilà. Je t'ai dit que je l'avais écouté ? Je crois pas. Ah, je crois que je l'ai pas écouté. Je l'ai écouté pour nous tous. Écoute, okay. Exactement. Donc bon, on va passer là-dessus. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Et après... Je suis pas allé au bout. Ça y est. Ah voilà, tu vois, on t'a toi. Il y a peut-être des raisons. Hein. Oui, en fait, je préfère peut-être que tu l'écoutes pas et que ouais. tu ne critiques pas cet album. Mmh. Va droit au cœur. Voilà. Wow. Et je disais que j'étais tombée sur le groupe. Si vous voulez pas que je commence à dire des belles chansons, parle-nous de l'autre groupe. Non, je pense que j'arrive après la guerre parce que moi j'ai découvert le groupe Rêve Noir, qui est un groupe français de metalcore. Et j'avoue que j'ai bien aimé ce qu'ils font dans les dernières qui sont sorties, qui sont Crève. Tiens, ça me voit bien ça. Ah. Et j'ai perdu l'autre. On va y aller, hein. J'ai perdu le nom de la deuxième aussi. Et franchement, quelque chose qui me plaît beaucoup, avec un petit mélange aussi dans certaines chansons, français. On a des petites paroles en français, donc c'est assez sympa aussi. Okay. Voilà. Ça marche. Ben, moi, pour le coup, c'est un groupe que je ne connais pas du tout. Mais je ne suis pas sûr que j'en avais déjà entendu parler même. Donc, écoute, à l'occasion, pourquoi pas jeter une oreille. Tu connaissais toi, Simon ? Moi, si tu m'en as parlé, je ne t'ai pas écouté. Donc, voilà. Tout résumé, exactement. Donc, ben, c'est parfait. Il l'a déjà entendu parce que je l'ai lancé en boucle sur la télé. Donc, ouais. Il a dû l'entendre. Mais maintenant, de là à ce qu'il ait retenu que c'était ça, c'est dans notre monde. Ok, donc quand même aller écouter ça, tu penses ? Ça vaut le coup ? De quoi ? Le groupe est aller écouter, ça vaut le coup ? Aller écouter ? Bah moi j'ai bien aimé, ouais. Ouais, ok. Carrément, je pense que... Okay. Et je crois que c'est quand même un groupe qui est en train de monter de plus en plus sur ce niveau-là, de ce que j'ai vu passer. C'est possible. Voilà. Je te dis encore une fois, je connais pas. Ce n'est pas ton domaine, ou du moins tu n'aimes pas ça, on a compris. Elle m'engueule beaucoup. Simon, parle-nous d'un groupe, parle-nous d'autre chose. Okay, du coup, moi, je vous parlais de Paleface Swiss, que j'ai pas mal poncé en début de mois. Étonnant. Qu'on a failli aller voir ce mois-ci. On a failli, pour ça, on a loupé de pas grand-chose, je pense. À cause de qui, hein. Bon, peu importe. On ne parlera pas de Simon de réunion. Peu importe. Restons focus. Ouais, du coup j'ai pas mal écouté en fond dans la voiture en balade avec le chien et pour moi okay. Ça s'écoute très bien. Ouais. Tout fun hardcore, je trouve ça bon, c'est un déferlement de violence voilà, mais c'est plutôt bien placé, c'est quand même je trouve ça relativement mélodique. Ça s'écoute pas mal. Le mot relativement, ouais. Là, c'est important. Pour moi, c'est assez mélodique. Ouais. Non, ça s'écoute super bien. Mais je le mets en fond très bien. Je pourrais. Bon, moi, ça me berce presque ce genre de truc. Non, je m'aime mis à l'atelier au boulot, faire découvrir aux collègues. Deathcore, hein. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais, c'est bon. C'est énergique, quoi. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai aimé. J'avoue, j'ai pas mal pensé au début de mois. Ok. Bah écoute, c'est déjà pas mal. Enfin, ça, plus un peu d'architecte, tu es allé le voir. Et après, j'ai pas eu besoin de l'écouter de mon côté architecte. Oui, on te l'a fait écouter. En écoute forcée. Voilà. Il ose râler sans déconner. Tes oreilles ont aimé, alors arrête. Voilà. Allez, sur ce, enchaîne. Bah alors. Moi, je vais vous parler en fait d'un trio. À chaque fois, on est sur du post-black. Donc, ce mois-ci, en fait, j'ai pas mal écouté Harakiri for the Sky, qui est un groupe autrichien de post-black metal. Enfin, moi, j'adore depuis un moment. Et leur nouvel album, c'est encore une fois une tuerie. Donc, faut aller l'écouter. Voilà. Après, vraiment. Ça reste violent, c'est du black, c'est aérien parce qu'il y a du post dedans, mais c'est, enfin, moi j'adore et c'est un groupe qui monte et que, enfin, qu'il faut voir et qu'il faut suivre si on a un minimum d'attrait pour ce style musical là. Hier, il y a le nouveau D7 qui est sorti. Eux, ils font du black gaze. Donc ça c'est un style qui est assez particulier, c'est un mélange de shoegaze, donc un truc qui n'est pas du tout métal à la base avec du black. Ils ont fait un très bon album aussi. Alors je suis moins fan et je suis moins convaincu que sur Harakiri for the Sky, mais si vous avez envie de découvrir un peu tout ce qui touche au post-black, mais on va dire un peu plus facile parce qu'encore plus aéré, Le côté black gaze, donc shoegaze à l'intérieur, aide bien. Le groupe français qui est très connu, qui fait aussi le même style, c'est Alceste, en fait. Ah oui, d'accord. Donc, okay. Ils ne le pratiquent pas de la même façon, mais dans l'idée, c'est le même style. D'accord. Voilà, donc c'est super sympa, Alceste. Oui, alors toi, tu n'as peut-être pas écouté le bon titre. Non, non, non, dans le sens, tu dis c'est hyper sympa. Non, mais sympa, je t'ai pas dit, pas dans le sens où j'ai détesté. Oui. Voilà. Ah, non, non, dans non. Dans le sens, j'ai apprécié. Oui, oui, non. Mais. Voilà. Oui, bon, mais en fait, je pense que tu as beaucoup apprécié les titres très, justement, très aériens, très. Un peu moins black. Qu'est-ce qu'on peut-être. Avait écouté ? C'était pour le. Quand est-ce qu'on les avait vus passer, eux ? C'est pas pour le Hellfest 2022 ? Bah moi je et après je crois qu'ils sont passés revus, moi je les avais vus moi je les avais vus avant c'était avant la pandémie hein, je crois okay, je crois que c'était avant le Covid après. Non mais bah, d'ailleurs ils passent bah oui. À la fin de l'année à Toulouse je pense que j'en serai étonnant et le dernier qui était une pure découverte c'est Noctambuliste c'est ils viennent des Pays-Bas. Pareil, post-black, hyper. Enfin, ça révolutionne pas le post-black, mais en fait, ça fonctionne juste super bien. C'était un groupe dont j'avais jamais entendu parler et bah, je me suis régalé. Donc, moi, cette triplette-là, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à y jeter une petite oreille. Ok. Vraiment, voilà. Bon, je sais que tu le feras pas, Lucie. Mais... Non, en fait, j'ai écouté Aragiri for the Sky quand tu me l'as dit la dernière fois. Ah, et t'en avais pensé quoi ? Bah, je crois que. J'avais oublié que tu l'avais écouté. À l'époque, c'était un avis un peu mitigé parce que ouais. J'écoutais peut-être un peu moins de choses que maintenant. Donc, je m'y remets. C'était il y a moins d'un mois, à l'époque. Ah, mais elle vieillit vite. Vous cherchez vraiment les embrouilles, vous, là. Voilà. Bah en parlant d'embrouille, on va enchaîner vers notre dernière étape. Donc on va parler d'un album. Alors cet album, bon, j'ai mis un peu de temps à le trouver. Et finalement, j'ai opté pour Colony de In Flame. Pourquoi ? Tout simplement parce que tu m'as dit il y a quelques semaines... j'ai écouté du In Flame, j'aime bien In Flame. En plus, il passe à Toulouse, c'est cool pas et si tout ça. Donc, forcément, toi, ce que tu avais écouté, c'était le plus récent de ce qu'ils ont fait. Donc, je me suis dit, c'est aussi l'occasion, en faisant cette émission, de repartir sur un album donc plus ancien, parce que c'est un album qui est sorti en 99. Pour un groupe qui a été formé en 90, donc bon, là déjà on a ça fait plus de 25 ans maintenant, voilà. Pour l'album ça fait 26 ans, oui, tu vois même. Donc ouais. Voilà, pour c'est l'album. Oui, c'est un groupe. Donc In Flame, c'est un groupe pour resituer un peu avant qu'on en parle plus. Donc In Flame, c'est un groupe suédois de death mélodique. C'est avec Dark Tranquility et At The Gate, les fondateurs du Death Mellow. Ils étaient tous potes, tout ça. À tel point que en fait, le chanteur actuel de In Flame était chanteur dans Dark Tranquility. Pendant que le chanteur actuel de Dark Tranquility a fait du chant et a fait de la guitare chez In Flame. Puis ensuite, il y a eu permutation, voilà. Mais en gros, tout le monde s'est un peu échangé les uns les autres. Et en fait, j'ai choisi cet album-là parce que c'est un peu la bascule de In Flame, parce que c'est du coup l'arrivée d'Anders au chant, donc toujours le chanteur actuel. Et c'est aussi le passage à la guitare de Björn ouais c'est chaud les prénoms et les noms de famille suédois Gelot ou Gelot, je sais pas comment il se prononce ce bon monsieur, mais qui en fait est toujours le compositeur principal aujourd'hui, parce qu'il faut savoir qu'In Flame, il y a eu tellement de changements de membres qu'aujourd'hui il n'y a plus personne du groupe de base. Voilà. Okay. Mais en fait c'est ces deux personnes-là qui aujourd'hui encore tiennent le groupe, sont les principaux compositeurs et tout ça. Donc, Colony, c'est une bonne façon déjà de découvrir, je trouve, le death metal comme des origines. Et en plus, ça fait sens parce que justement, toi, tu as plus écouté le récent In Flames, mais c'est les mêmes personnes qui les ont créées et écrites là-dedans. Donc, après, je sais pas toi ce que tu as pensé de l'album, surtout en fait un peu en comparaison avec ce que tu peux voir aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup moins de growl dans le chant. Il y a des éléments des fois un peu plus électro, les claviers un peu plus présents. Enfin, je sais pas comment toi t'as trouvé cet album là qui était vraiment la base, tu vois, ouais. Les origines. Écoute, quand tu m'as dit de l'écouter, et pour le coup, j'avoue, je l'ai lancé et je pense que les premières de l'album m'ont fait presque ni chaud ni froid. Mm-hmm. Ouais, elles sont passées sans plus. Même à un moment, je t'ai dit, ok, j'ai arrêté parce que j'avais plus le temps, mais ouais. C'était sans plus. Et effectivement, une que j'ai bien aimée, c'est Colony. Oui, après, c'est un peu. Enfin, pour moi, c'est le single de l'album, quoi. Tu vois, c'est la grosse réussite, leur plus grosse réussite sur cet album-là. Ouais. Et après, même celle d'après qu'il y avait, je me suis dit, celle-là, elle est sympa aussi. Je crois que c'est quoi ? C'était Zombie Inc., un truc comme ça. Donc, ouais, il y en avait quelques-unes qui étaient pas mal, qui s'écoutaient, mais c'est pas forcément ce qui, oui, qui déclenche des coups de cœur, tu vois. Oui, oui, oui. Mais par contre, ouais, ça s'écoute, en fait. Donc, même moi qui suis pas forcément hyper. Pour faire un parallèle par rapport à Ten Fate, que t'as du coup vu pas mal de fois récemment. Ils ont un côté In Flame très très mélodique quand même. Tu vois, oui. les mélodies sont quand même très mises en avant. C'est le principe du death metal de toute façon, mais c'est ce qui fait que ça passe peut-être mieux à mon oreille aussi. Hein. T'as vu ? Oui, je peux le taper lui là-bas. Tu le taperas après. Je vais pas besoin. Rajouter violence physique dans les descriptions. tu fais un warning. Donc ouais, finalement, Colony, un album qui t'a pas déplu, mais qui t'a pas non plus transcendé, parce que pas ton style de base. Exactement, voilà. C'est un peu ça. Voilà. Simon, je crois que toi, tu l'as survolé. J'ai écouté trois chansons dans la voiture tout à l'heure même. Ça me plaisait pas trop. Ouais. Peut-être pas assez rentre dedans, justement, pour du def à ton goût. Ouais. Quoi, quitte à être dans du death qui n'est pas mon style de base, je préfère que ça tabasse. Puis le mélo, il s'en tape, voilà. Hein, vraiment. Ouais, par côté, contre, il faut que ça mélo, tape, effectivement. C'est barbant. Mais après, j'ai peut-être pas écouté non plus les bonnes de l'album non plus. Donc, peut-être que j'y retournerai vite fait. On verra s'il y en a qui passent. Après, sur certaines actuelles que je trouve plutôt sympathiques. Ouais. Donc, c'est vrai que ça tourne des fois dans mes playlists aussi et je zappe pas. Ouais, c'est vrai que les deux derniers albums, c'est toujours du death metal, mais il y a pas mal de metal alternatif, on peut dire, à l'intérieur. C'est aussi pour ça que c'est le groupe le plus connu des trois, hein, parce qu'eux, ils ont su et ils ont évolué au bon moment, même si ça a perdu pas mal de fans. Ils ont su évoluer par rapport à Dark Tranquility ou At The Gate, qui sont quand même restés dans le registre death metal classique. Et aujourd'hui, quand tu regardes In Flames, tout le monde connaît au minimum de noms. Quand tu le vois sur des affiches, c'est toujours en très gros sur les scènes principales. C'est pour les festivals, en tout cas. C'est quand même devenu une institution, In Flames, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les derniers albums, ou qu'on s'y retrouve plus ou moins, quoi. Ouais. Effectivement, j'avoue que je les avais d'abord vus sur des affiches de fesses, comme tu dis. Et c'est vraiment parce que par hasard, dans le mode aléatoire de la plateforme, c'est passé que je me suis dit « Oh, ça j'aime bien, c'est quoi ?» Je me suis dit « Ah bah tiens, c'est In Flames, ça tiens, j'en ai jamais écouté. » Et tu vois, il y en a certaines qui sont passées comme ça. Et c'est là que je te dis « Ah, mais ça j'ai bien aimé !» Bon, après, tu vois, j'ai pas été poussée la recherche plus que ça. Maintenant... à voir si tout l'album, les derniers albums me correspondent, ou même les premiers comme ça. Mmh. En tout cas, celui-là, je te dis, moi, je l'ai écouté. Je n'ai pas switché les chansons, tu vois, déjà. Ouais. Mais bon, c'est pas pour autant que j'ai mis un petit cœur sur l'album en entier, quoi. Ouais, je vois. Ok. Voilà. Bah, il passe au mois de juin à Toulouse. Alors, globalement, ils jouent un peu de tous leurs albums, mais ils sont quand même très portés. Enfin, mais il y a une majorité sur l'album qu'ils défendent à chaque fois. Toi, tu serais plutôt preneuse d'y aller? Bah écoute, si c'est plutôt sur ce que j'ai entendu récemment, ouais, carrément, sans doute. Faudrait effectivement que j'aille écouter un peu plus les derniers albums. Parce que bon, si je te dis ça, qu'il n'y a qu'une chanson au final sur laquelle j'adhère, Oui. bon, je vais pas trop passer un bon moment, mais. Tout ce que j'ai vu, ils font. C'était quoi? C'est quoi le dernier? C'est Gorgone? Oui, c'est Gorgone, leur dernier album. Sans doute, j'ai même pas retenu. Oui, non, mais c'est ça. Et là, récemment, ils jouaient toujours 5 à 6 morceaux de Gorgone voilà, Ok. sur leur set. Tu vois, et moi, par exemple, j'ai écouté Colony, ça m'a replongé dans l'Inflame que j'aime. Du coup, j'ai envie d'aller les voir. J'ai regardé un peu quand ils en jouent une, tu vois, enfin, quand ils jouent une de Colony. C'est le maximum, tu vois, sur scène. Donc, Ouais, voilà. Mais à côté de ça, j'ai quand même bien envie d'aller remettre le nez dedans. Simon, toi, du coup, c'est toujours pas trop vu que c'est pas trop ta came, tu serais pas trop preneur à y faire. si ça tombe bien pour vous accompagner, Il est peut-être bon public, après. lui, il t'accompagne facilement. Faudrait que je réécoute un petit peu, voir ce qu'ils ont fait un petit peu plus dernièrement, Ouais. peut-être. Je les ai vus en 2018. En vrai, ça tape. En tout cas, en salle sur cette année-là, ça tapait plus que sur album. Ah, genre, Ok. il avait pas laissé trop, il laissait pas trop de place au chant sans growl, tu vois. Il était vraiment un peu dans la violence, dans le dur, dans tout ça. Ça marche, non, après, Tu voilà. l'appelles là comme ça là. Bah, ouais. Bien, Ça tape, bien, viens bien, mon je sais te petit. parler, mon Viens, petit. viens, viens. Non, mais plus sérieusement, ouais, c'est pas un groupe pour lequel j'ai un attrait particulier, mais si en écoutant un peu, si ça me plaît, pourquoi pas vous accompagner. Je vois. Non, c'est l'écouter. Je suis pas. Voir jusqu'où Ouais. ça va. Récalcitrant et allez. Et on va finir avec notre petit focus sur un groupe français. Donc, à l'avenir, bah, quand on aura des invités, on parlera certainement à ce moment-là d'un peu des actualités et de la musique du groupe en question. Donc là, aujourd'hui, on est pas. Enfin, j'ai choisi de vous proposer de parler de 1056 parce que bah, concrètement, je pense que c'est un groupe qu'on n'aura jamais vraiment en interview. Donc je me suis dit, ou en tout cas assis dans le canapé là, en train de discuter de leur groupe. Donc je me suis dit que c'était une bonne occasion de justement de choisir des groupes français, un groupe français, mais un groupe qu'on n'aura jamais. 1056, vous connaissiez avant que je vous en propose, avant que je parle un peu de vite fait de leur histoire et qu'après on en parle un peu plus en Ben détail. moi, pour le coup, oui. Toi, tu connaissais, ouais. Et toi, Lucie, pas Pas du du tout. tout. Ok, pas du tout. Ok. Bah alors, pour toi, Lucie, 1056, ça a été fondé en 2020 par l'ancien chanteur de Betrayal the Martyr. Donc, Betrayal the Martyr, c'est le plus gros groupe de deathcore français, en tout cas à ma connaissance. Je pense pas qu'il y en ait des plus importants au niveau de la scène française, encore aujourd'hui. Et donc en fait, il a quitté son groupe et il a fondé 1056 avec 5 autres membres, dont un bassiste qu'on a vu mercredi, à savoir Nicolas de l'Estrade, qui est en fait le bassiste de Novelist. D'accord. Voilà, et ce bon Nico a fait 2 ans avec 1056 avant de. Enfin, il n'avait pas quitté Novelist, Ouais. toi, mais il faisait les deux avant D'accord. d'arrêter avec 1056. Donc, c'est un groupe qui a pour l'instant sorti 2 EP en 2021 et 2023. Et en fait, ces 2 EP ont été réunis pour faire un album. Un album. OK. Et ben, là, hier, ils ont sorti un nouvel EP que j'avais pas vu du tout. J'avais pas du tout vu l'annonce, tout ça. Donc, quand j'ai regardé hier, je me suis dit, bah, il sort de ce truc, tu vois. Voilà, qu'ils ont appelé Pig et qui est sorti hier. C'est 4 titres. voilà, que du coup, bah, on a écouté un peu en speed pour pouvoir en oui, parler. Voilà. Mais 10-56, c'est un groupe qui, du coup, qui est récent, mais qui est composé bah, de pointures quand même du métal français. C'est un groupe qui a énormément tourné depuis leur création. Ben, j'ai relevé quelques trucs, mais ils ont, déjà, ils étaient au warm-up du Hellfest en 2024, donc ils ont fait plein de dates. Ils étaient, bon, ils étaient en support de Benighted, mais ben, ils y étaient quand même dans la tournée. Et puis au-delà de ça, ils ont fait des tournées ben, à peu près partout, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en France, j'ai pas vu d'Asie, mais enfin voilà, ils ont déjà tourné énormément, beaucoup en support, mais ils y étaient. Bon, et après c'était pas des supports de groupes dégueulasses, hein. T'as du Why She Sleep, t'as du Landmarks, North Lane, donc quand pas même mal. Des voilà, ouais. des gros trucs. Ils ont fait des festivals aux US, ce qui est pas forcément facile pour des groupes français, et pas des petits fests. Et en plus ils sont passés Motok, Hellfest, Extreme Fest, enfin voilà, en gros en 5 ans d'existence ils sont déjà passés partout. Et ils ont là récemment annoncé une tournée française en tête d'affiche cette fois. Voilà. Donc, ben, je sais pas ce que vous avez pensé du groupe. Simon, je vais me tourner vers toi d'abord, vu que tu connaissais déjà. Bon, moi, on dirait que t'as choisi ce groupe pour moi. Bah, ah, non, c'est un peu l'idée. C'est, en fait, c'est un groupe que j'avais écouté, mais il y a, je pense, bien 3 ans. Facile. Oui, m'annonce pas 7 ans, sinon ça marche non, pas. Non. On a eu un petit souci de calcul. Ça fait un petit moment que ça commence à dater un peu. J'avais complètement zappé et quand Lucie m'en a parlé, mais j'ai fait, mais je connais en fait. Mm. Et j'avais écouté et ouais, ça. Alors, je sais pas si dans l'histoire j'ai précisé que c'était du deathcore qu'il faisait. Non, voilà. je crois que j'ai sauté cette information-là qui est quand même assez importante. C'est pour ça que Simon non, ça matche carrément avec mes goûts. C'est violent, c'est énergique, ça t'amène dans leur trip. Ok. Avec eux. Moi, ouais. J'écoute. C'est pareil, mais après, c'est des trucs que j'écoute comme les gens écoutent un petit rock alternatif. Ouais. Moi, c'est doux à mes oreilles. Pour le coup, musicalement, ça tabasse quand même. Ouais, non, il y a du gaz. Ouais. Toi, en plus, t'as eu la bonne idée de le. De le mettre à 8h du mat. C'était rude un peu ce matin, j'avoue. Mais bon, ça m'a réveillé au moins. T'as eu le temps d'écouter ce qu'ils ont sorti hier ou pas? Mais je sais même pas, on a pas parlé, donc j'ai pas su. Attends, en vrai, je l'ai mis. Je crois que je l'ai prévenu que c'était qu'il y avait un truc qui était sorti hier soir à minuit, par là. En fait, je l'ai mis deux fois. Je l'ai mis au boulot et pendant qu'on bossait, et je l'ai fait écouter à un de mes collègues qui est très hardcore aussi, et il a bien kiffé. Ouais. Du coup, on l'a mis deux jours d'affilée dans l'atelier pendant qu'on bossait. Ça ne plaît pas à tout le monde, rien à faire. Ça réveille au moins, il ne tombe pas. Et toi Lucie, du coup, c'est moins ta cam, ça, déjà? Bah, ça tape, hein. Ouais. Ouais, moi, pour le coup, c'est pas forcément le deathcore que j'écoute. C'est un peu trop brutal et un peu moins mélodique que ce que j'aime bien. Ouais, oui, mais toi, tu te tirais plus vers du Lorna Shore, par exemple, qui est ouais, plus... Ouais, pour le coup, ouais. Qui même quand ça tape fort, mais par contre c'est très très mélo autour. C'est ça. Ouais. Donc là pour le coup, un peu moins mon style. Je l'ai écouté, ça m'a réveillé, bien comme il faut, mais ouais, sans plus. Je le laisse à Simon. Lucie, elle aime bien quand c'est mélodique, ça tape, hop, c'est ça. Ouais, bah, la définition du metalcore, quoi. Il découvre. Alors que moi, je m'aime bien que la partie qui tape. Bah, moi le groupe, j'ai plutôt bien aimé leur premier EP, donc Downer partie 1, ouais, qui est sorti en 2021. Et après, ils m'ont totalement perdu, parce qu'en fait, à partir de 2023, ils ont incorporé énormément d'électro dans leur deathcore. Et j'avoue que moi, l'électro, j'ai du mal. Ça passe pas. Voilà, ça passe pas. Et du coup, vraiment, je me suis retrouvé à me dire, ben, oui, ok, ça tape toujours, Mais les parties électro étaient trop présentes pour moi pour que j'arrive à passer au-delà pour rester sur le côté. Bah, ça tape fort comme sur le premier EP. Et du coup, quand j'ai écouté l'album, en plus, ça fait une transition qui m'a fait un peu mal parce que au départ j'ai écouté l'album sans forcément me voir que c'était deux EP combinés ouais. qui avaient pas été sortis en même temps. Et le début j'étais là, ah c'est cool, et puis d'un seul coup je me suis dit, c'est plus trop ça pour moi, pourquoi, enfin qu'est-ce qui se passe, tu vois. Ben en fait il y a quand même 2 ans du travail autour, donc voilà. Après c'est, ils font très très bien leur taf, ça y a rien à dire. Mais moi, le côté électro, vraiment, il m'a perdu. Et quand j'ai écouté l'EP qui est sorti hier, donc Pig, j'ai trouvé qu'il tapait peut-être encore plus fort que sur le deuxième EP. Mais par contre, y a toujours beaucoup d'électro. Loupé, donc c'est pas pour toi. J'écouterai ça, je te ferai un retour. Donc, moi, je suis pas client. Merci, bon, après déjà de base même les deathcore j'en écoute pas énormément. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que j'en écoute pas forcément énormément, donc non, pas c'est pas mon truc, voilà. Par contre il passe à Toulouse, ouais. Le 28 avril, donc 28 ouais, donc ce mois-ci. Alors toi Simon, je suppose que ça c'est le genre de groupe que tu pourrais envisager d'aller voir. Il passe au Rex, voilà, donc en plus ça reste petite salle où tu te sens bien, s'il y a un peu de monde t'as de quoi jouer des coudes facilement. Je prendrais les genouillères, les coudières et le casque ouais. à pointe, ouais tu aurais tendance à y aller, oui clairement. Ok, toi Lucie, plutôt pas? Non. Non, pour le coup, non. Ouais. Ok, non, mais t'as le droit. T'as le droit. Je t'avoue que moi, je ferai pas non plus le déplacement pour aller les voir. Après, toujours pareil, si un copain insiste parce qu'il a envie d'y aller, ça peut être comme pour Paleface, tu vois, on peut commencer à y réfléchir. Alors, par contre, faites pas comme pour Paleface quand même, ça serait oui, bien de vous y prendre à l'avance. Ça, alors déjà, quand on commence à se prendre 3 jours avant, ça fait de vouloir aller au concert. Vous, l'organisation, elle est pas folle. Elle ose. Oui, j'ose, je vous connais, les gars. Oh. Bref. On se passera de commentaires. Voilà. Non, donc non, ouais, pour moi, pas forcément comme ça, j'irai pas forcément. Mais si vraiment tu réécoutes et que tu as très envie d'y aller, on peut négocier. Oh, l'envie d'y aller, mais elle sera pas très difficile à trouver. Ouais. Non, après, faut voir si la date. Oui, bien sûr. Bien, je sais pas quel jour, je sais plus quel jour c'est. Ça doit être un mardi ou un truc comme ça. De toute façon, c'est souvent en semaine. C'est souvent un mardi. Hein, c'est un début de semaine, il me semble, donc faudra voir. Lundi. Non, oh, bah c'est un lundi. Ouais, faudra voir à quelle heure, faudra voir avec quoi ça tourne aussi. Il y aura peut-être un ou deux groupes avant, comme certainement. Ils seront peut-être pas tout seuls. Je crois pas avoir vu la première partie annoncée pour l'instant. Ou alors j'ai. Si, il y a plusieurs trucs. Il y a Dream State de Dali Thundering, et Solitaris. Solitaris, oui. Ok, oui, Solitaris, genre si je l'ai vu. The Dali Thundering Concept. Ouais. Pardon, j'avais pas vu qu'il était si bon. À voir ce qui va avec aussi. Voir si si est plus. Ouais. D'aller faire un tour. En plus c'est une grosse fin. Du coup ça fait une grosse soirée, 4 groupes, ça fait. Ouais, une... y a 4 groupes. Ça doit, ça va commencer à. Ça va ouvrir à 18h30 là et finir à 23h30. Après tu auras des premiers sets de 25-30 minutes là. Oui. Certainement. Là. Ouais. Okay. Et j'ai pas les styles, je les ai pas encore rentrés, donc je peux pas vous dire ce que c'est. Solitaris, je crois que c'est du metalcore de mémoire. Peut-être. Zali Thundering Concept, j'avais écouté, je crois que c'est plutôt orienté. Non, je vais dire une connerie. Il me semblait que c'était plutôt orienté def, mais je vais te dire une connerie, je pense pas. Je sais plus. J'en avais écouté, mais là, tout de suite, j'ai zappé. Bon, d'ici là, on s'enseignera, on verra. Oui, bien. Voilà. Je vais te dire ça. Voilà. Bon. Bah écoutez, on a fini de faire un peu le tour de tout ce qu'on avait à se raconter pour aujourd'hui. Donc, on va continuer à écouter un peu de musique là pendant ce mois-ci, à peut-être aller voir un concert ou deux. Et on en reparlera du coup le mois prochain, on va essayer. Lucie, toi, c'est sûr. Simon, toi, on verra en fonction de la date. Si vous souhaitez m'accueillir, je suis toujours dans le coin. On verra. Ça se négocie. C'est ça. Mais je parle plus avec toi. Allez, bon, écoutez, merci pour cette première émission. Et du coup, on se refait ça très vite. Allez. À bientôt. À bientôt. Ciao.